to mega czego, ja teraz to doła, za tymi marcowca, to batami, za tym mądrami, pokoła się teraz, ja my domu lecę się. Tele, tele, tele, tele, tele, tele, na sen idę ty, to papiery, na nasz odpinek, jak to wąsze, to na teo, i mogą cię, co pozdrawia o co tam mamy, które pejsi do. Tele, tele, tele, tele, tele, tele, tu sens immortel, pour vous blesser au mortel. On sait depuis longtemps qu'il y a plus d'innocents. Je finirai l'Angleterre, je finirai la terre. L'anarchie, l'agresseur, je passe à l'observateur. Tenez, tenez, tenez, retenez. Tenez, tenez, tenez, retenez. Liberté, pour partager, la marche funèbre est commencée. De la terre, du monde entier, je veux aller aux enterrements de tous les présidents. Délire, délire, délire, délire, délire, délire, délire.